Naturelle qui me regarde, tous ces vers inondent mon cœur, me donne envie d'être son bard, immergé parmi ses fleurs. Naturelle qui me nourrit, je me réfugie dans son antre, toutes ses verdures, tous ses fruits me donnent envie d'être son chantre. Naturelle qui m'embellit, sa beauté dans mon cœur s'immisce, m'incite au plus beau dans la vie, me donne envie d'être sa miss. Naturelle qui me modèle, montre le bon sens, le bon ordre, me donne envie d'être un modèle, d'en finir avec le désordre. Naturelle, elle m'envoûte, me connecte à la terre, au ciel. Elle pousse toute seule dessus sa voûte, me donne un envie d'essentiel. Naturelle qui méconnaît les jugements, les attitudes. Nature, grâce à toi je renais et je me fonds en gratitude. Nature infinie d'univers, fais éclater toutes mes limites. Et je m'expanse plus loin que la terre, tu me donnes envie que je t'imite. Nature est là toute l'année, montrant le juste cours du temps. Tes saisons montrent les années, donnent envie de vivre au présent. Comment s'adapter, donne envie de changer d'altitude. Naturelle qui me regarde, de tous ces vers inondent mon cœur, me donne envie d'être son barde, immergé parmi ses fleurs.